J'ai longtemps marché dans ma vie. J'ai toujours marché en marchant. J'ai vu le monde, tout ce qu'il s'y passait. Je voudrais m'arrêter. J'en ai assez vu, je ne m'arrête pas.